Chapitre 5e, le rital fatal. J'ai passé une nuit, enfin disons une partie de nuit, assez mouvementée, interrompue par les ronflements gigantesques de Marcel, qui me plongeait dans les cauchemars de locomotives et de camions qui fondaient sur moi pour m'écraser. Vers 9h, après un café croissant pris au bar, avec le sourire de la patronne reconnaissante en prime, je passe chez moi pour relever mon courrier. Une lettre de la mutuelle de la police et une carte postale de mon copain Charlie Mertens, parti à Lens compter les membres restants de sa famille après l'affaire Guelmard. J'aimerais bien l'inviter, mais je manque de place. Surtout qu'avec sa jambe folle, grimper mes escaliers n'est pas facile. Puis je file chez Pécoul, l'amour piane, pour chercher les photos développées. Jeannot me félicite pour la qualité des clichés. Non sans insister sur le fait que les gars qui sont dessus ont des gueules de travers. Mais ce n'est pas de ma faute. Enfin, je termine au SRPJ où je rase les murs pour voir Serge. Je lui remets les photos en lui demandant de se regarder sur les mecs photographiés au cas où il serait connu au bataillon. J'essaye aussi d'obtenir des nouvelles de Sanchez, histoire de causer. Il doit être dans son bureau, va le voir. Non, non, laisse tomber, je n'ai pas le temps aujourd'hui. En dernier, je termine par le garage où bosse mon pote Antonio, avec lequel je vais quelquefois à la pêche à Port-Saint-Louis. Au moment où je me retrouve sur le trottoir, direction place des 13 cantons, je m'entends héler. « Gino !» me crie Serge. « Viens, j'ai les renseignements !» Il court sur le trottoir en brandissant les photos. Ces deux types sont des collègues des douanes. Ce sont des plongeurs professionnels spécialisés dans l'examen des coques de bateaux. En plus, on m'a dit que c'était des pointures et des gars au-dessus de tout soupçon. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ton histoire? T'es sûr que tu fantasmes pas? Ça y est, ça recommence. Je pique une grosse crise sur le trottoir devant Serge. Déjà que j'ai tendance à tomber facilement dans la paranoïa, il n'est vraiment pas nécessaire d'en rajouter une couche. Chaque fois que j'ai soulevé une affaire, on m'a servi le même discours. Tu te fais des idées, tu te bourres le mou, tu vois le mal partout. Tout ça pour terminer par des « quel flair tout de même ». J'ai encaissé tout cela tant que j'étais en service, mais aujourd'hui, une telle remarque venant de Serge, l'être en qui j'ai le plus confiance, m'est intolérable. Sentant que la situation est critique, Serge m'offre un verre en se confondant d'excuses. « Allez, viens, t'énerve pas, tu vas m'expliquer. » Nous nous attablons tous les deux à la terrasse des 13 coins et devant un demi, je lui explique la problématique de mon enquête. « Tu trouves normal, toi, que des mecs plongent tous les jours au même endroit sans jamais rien ramener ? Peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas de poisson. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait avoir des fusils harpons pour pouvoir attraper quelque chose. » Tu ne trouves pas que cela fout mal pour des plongeurs professionnels ? Sans me répondre, Michaud fait tourner son verre au bout de ses doigts, l'air dubitatif. Tu ne te demandes pas pourquoi Sanchez les amène et les ramène ? Ils ne sont pas assez grands pour aller plonger tout seuls, et tu trouves normal qu'à chaque coup, il n'y a pas loin un palangrier sur lequel personne ne pêche, mais qui ramène quand même des casiers de sardines au port de Carreau, et des casiers de saule, alors que personne n'en a vu la couleur dans le coin ces temps-ci. Des casiers qui sont jalousement chargés dans une douche, sans que personne ne puisse les approcher. Non, je te dis, Serge, tout ça, ce n'est pas clair, pas clair du tout. Il y a un lézard, mais je ne sais pas lequel. Tu sais, moi, je n'y comprends rien à la pêche, mais c'est vrai que, comme tu me le racontes, ça n'a pas l'air bien clair. La Volvo appartient à Sanchez. Il est possible qu'il soit sur une enquête. Ah oui, alors il bosse sur une enquête en utilisant son véhicule perso, en faisant appel à des collègues des douanes. Alors que nous avons des plongeurs dans la police, et le tout en catimini. Non mais tu me prends pour une bille. Ah, et puis, il y a aussi la lettre, regarde. Et je lui mets sous le nez le billet post-mortem de Rinaldi. Serge le lit avec attention. On n'a pour l'instant rien trouvé sur son assassinat. C'est Esposito, un inspecteur divisionnaire qui s'en occupe. Il essaye de fouiller le passé récent de Rino. Il n'est pas exclu qu'il remonte à Carreau jusqu'à toi. Je connais cet Esposito. Il avait bousillé une voiture de service à 1h et dans un endroit qui n'avait rien à voir avec son service. Je l'avais couvert en racontant que je l'avais envoyé en mission dans ce coin. Il est donc mon débiteur et n'a pas intérêt à me chercher des poux dans la tête. En tout cas, me dit Serge, je serais étonné que Sanchez et ses deux gars trempent dans une affaire louche, à moins qu'il y ait très gros à la clé. Il se passe des choses bizarres du côté de Tutapépé. Un peu vexé du qualificatif attribué à l'objet de mes désirs, je rectifie. Pas ma pépée, disons, ma fiancée. Oui, enfin, c'est toi qui bois. Tu sais qu'hier, on a trouvé une bagnole cramée juste avant Carreau, avec un squelette à l'intérieur. Les gendarmes ont fait enlever l'épave pour essayer de trouver des indices et identifier le conducteur, mais pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Il est possible que le gars ait perdu le contrôle de la voiture et qu'elle ait pris feu après l'impact, mais rien n'est moins sûr. « Qu'est-ce que c'était comme voiture ? » fais-je ingénument. « Un cabriolet, Alfa Romeo. » « Un de ces quatre, il faudra que je m'en paye un. J'adore ces bagnoles. » Pour changer de conversation, je demande des nouvelles de Sylvia et du petit Ludo. Tous les deux vont bien, mais Sylvia trouve que je me fais trop rare. « Viens nous voir dimanche, ça te changera un peu de la mer, » me dit Serge. J'aimerais tant que Gilda fasse la connaissance de Sylvia. Quant à Serge, il a déjà vu plusieurs fois l'objet de ma passion et il m'a parfaitement compris d'ailleurs. Ah, si je pouvais lui avouer que je suis sur le point de parvenir à mes fins. Mais il faudrait que je lui avoue aussi tout le reste et il n'en est pas question. Je tomberai bien bas dans son estime à laquelle je tiens tant. Je me lève pour prendre congé. Écoute, Serge, essaie de me trouver tout ce que tu peux sur Sanchise pour tenter d'y voir un peu plus clair. Je regagne mes pénates, pas fâché d'aller faire une petite sieste tranquille, les trois bières que j'ai bu place des 13 cantons m'étant tombées dans les bottes. Vers 3 heures, le bigophone se met à rôter. C'est ma brune qui m'appelle. « Tu ne vas pas venir aujourd'hui ?» me demande-t-elle. « Si, si. Je suis tellement content que tu me le demandes. Tu as lu les journaux ce matin ?»« Non, pas encore. Lis le Provençal à la rubrique Côte Bleue. On y parle d'une bagnole. Enfin, il faudra que tu m'expliques. Il y a un gars qui est venu boire un coup au bar. Il est bizarre. Il rôde sur le port. J'aimerais que tu viennes. Je me sens pas tranquille. T'inquiète pas, j'arrive. » Tout en roulant dans ma mini, je réfléchis à ce que vient de venir Gilda. Un gars qui rôde. C'est peut-être Esposito qui a été plus vite en besogne que prévu, ou quelqu'un qui s'intéresse au Maccabée de l'Alpha. Qui l'ose ça ? Après ce siège, je passe à la hauteur de l'endroit où nous avons cramé l'Alpha avec Marcel. Je ralentis et finis par m'arrêter devant l'emplacement. La carcasse a été enlevée, mais le sol est noirci et souillé de quelques débris métalliques. Requiem in pace. Arrivé à carreau, je gare ma mini près de la porte de derrière et entre dans le bar en soulevant le rideau de la cuisine. Gilda est derrière son comptoir à laver des verres. Elle me tend la joue pour que j'y pose un baiser. Au lieu de cela, je lui mordis le bout de l'oreille. Elle frissonne en me lançant un « idiot va ». Puis elle me fait signe de la tête d'approcher de nouveau. Elle veut me dire quelque chose. Le type bizarre est au bord du quai, sur la gauche. Va le voir. Et tu me dis ce que t'en penses. Je sors négligemment du bar et vais m'asseoir sur un banc public. Le gars en question n'est pas vraiment bizarre, disons qu'il est spécial. Pantalon blanc impeccable, ceinture de prix, chemise noire bien coupée, largement ouverte, laissant voir un torse bronzé orné d'une belle chaîne en or, sans oublier des mocassins dont le prix doit avoisiner mon indemnité mensuelle. Ah, j'oublie la coiffure. Cheveux mi-longs, couvrant soigneusement les oreilles, ainsi que les incontournables Ray-Ban miroitant de taille géante. C'est ce qu'on appelle le look star de la variété, ou macro bien installé. La quarantaine, avec un petit bidon naissant. Il jette son mégot dans l'eau et se dirige vers le bar. Je m'approche et m'adosse à un pilier de la terrasse, prêt à pénétrer à l'intérieur, au cas où. Je remarque alors, garé non loin, un splendide cabriolet Lancia aubergine avec un intérieur en cuir crème. En attendant, j'observe les préparatifs de départ du Santa Cruz selon les modalités habituelles. Peu de temps après, la belle Caille apparaît également. Au bout de 10 minutes, j'entends la voix de Gilda m'appeler. J'entre vivement dans le bar. Le type est près de Gilda, au bout du comptoir. Monsieur m'a dit qu'il vient remplacer celui qui est venu avant-hier. Moi, je ne vois pas de qui ni de quoi il veut parler. C'est lui qui a hérité de l'affaire, me dit-il, et il voudrait que je traite avec lui. Je n'y comprends rien de rien. « Vois ce que tu peux faire, moi. Je ne m'occupe pas de paperasse et je n'ai pas de temps à perdre avec les représentants. » Je m'accoude au bar, bien en face du gars, que je dépasse d'une demi-tête. Le gars a l'air légèrement embarrassé, mais sans plus. « Je vous écoute, dis-je. C'est votre femme ?» Devant mon acquiescement, il me confesse qu'on ne lui a pas dit que la patronne était mariée. « Et qu'est-ce que ça change ?»« Rien, rien. Un gars est venu vous voir il y a 3 jours, mais il est mort, carbonisé dans sa voiture. C'est pas de bol tout de même. » « Ah ouais, c'est sûr, pour lui, c'est pas de bol. Mais si vous le connaissiez, vous devriez aller le dire à la police, parce que je crois qu'ils n'ont pas encore réussi à l'identifier. Bon, alors c'est quoi ces affaires ? Vous y tenez à ce bar ? C'est tranquille, sympa, » dit-il en lançant un regard à la ronde. Avec le développement du tourisme sur la Côte Bleue, ça ne demande qu'à travailler. Ce serait dommage si votre établissement était victime de saccage ou de destruction. Toutes vos économies ruinées, alors qu'il suffit d'une petite assurance de temps à autre pour être tranquille. C'est à réfléchir, non? Vous avez l'air intelligent, je crois que vous m'avez compris. J'essaie de pousser le gars dans ses derniers retranchements pour lui en faire lâcher le plus possible. Et à quoi exactement il faut-il que je réfléchisse? Ne faites pas l'idiot, ça vous va très mal. Vous savez, nous sommes une grande entreprise. Si je disparais, un autre viendra me remplacer et le business continuera à tourner quand même. Oui, vous êtes comme les cafards. On croit en être débarrassé, il en ressort toujours un. Ne soyez pas insultant, c'est superflu. Sans compter que notre collaborateur disparu risque de coûter cher si nous nous intéressons de plus près aux causes de sa disparition. Ça commence à devenir sérieux. J'en apprends plus en 10 minutes qu'en une année. Laissez la police chercher, elle s'y intéresse aussi. Elle trouvera bien, dis-je nonchalamment. Oui, mais la police n'a pas de piste, tandis que moi. Je n'ai pas besoin de chercher. J'ai une idée précise sur la question. Ce qui fait que l'ardoise risque d'être salée, très salée. Il va falloir être compréhensif et conciliant. C'est surtout vous qui devriez être compréhensif. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte des risques que vous prenez en me menaçant comme ça. Pour une affaire à laquelle je n'entrave que dalle d'ailleurs. Ouh là là, on est tombé sur des coriaces organisés et intelligents. Gilda ne pouvait pas le savoir. La pauvre, mais nous sommes dans un beau merdier. Je contre-attaque, on ne sait jamais. Moi aussi j'ai une piste. C'est peut-être quelqu'un qui voulait le doubler, qui l'a refroidi. Vous, par exemple. Et je ne vois pas pourquoi vous voulez nous mêler à ça. Ne vous fatiguez pas, commissaire Bolpi. Vous êtes mal barré. Et il va falloir vous en sortir. Allez, je crois que vous avez de bons éléments maintenant pour réfléchir. Ciao. Je repasse la semaine prochaine. Et inutile de me préparer un comité de réception, je suis blanc comme mon pantalon. En vous, en revanche, pas très clair. J'étais venu avec la ferme intention de vous mettre une balle dans le testo, mais j'ai bien fait de me raisonner. Je crois que j'ai bien marré avec vous. Là-dessus, il choque son verre contre le mien, le finit et tourne les talons. Gilda, qui a tout entendu depuis l'arrière-salle, soulève le rideau de perles, livide. D'ailleurs aussi livide que moi, certainement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'apprécie moyennement la singularité de ce tu, comme si pour elle les orgades s'étaient terminés et ne concernaient plus que moi. Ce type sait qui je suis et il n'est pas le seul, comme il me l'a précisé. Dès le début, il m'a pris pour un con et moi, bonne poire, j'ai marché, me prenant pour Maigret. Il est tout de même gonflé de s'attaquer de la sorte à un flic. Ou alors il a tous les atouts dans son jeu. Je pensais qu'on avait affaire à un petit truand de rien, la personne du cramé, alors qu'il y a peut-être toute une bande organisée qui va nous demander des comptes et qui n'a certes pas besoin des services de la police pour se faire justice. J'explique ce dilemme avec des mots simples à ma brune qui va de sa larme. Qu'est-ce que tu crois qu'il sait exactement? Je n'en sais rien, moi. Il savait peut-être que Thomas Cabet devait venir te voir, et comme le gars n'est plus revenu, il a dû faire un rapprochement. Surtout ne dis rien à ma mère, parce que, pour le coup, elle va péter un plomb, la pauvre. On ne peut tout de même pas les refroidir chaque fois qu'ils s'en pointent. Il va falloir trouver une solution. Je pense que je vais devoir tout avouer à Serge, c'est incontournable, même s'il m'engueule pendant des heures. J'appelle mon pote Illico pour prendre un rendez-vous car je me vois mal raconter toute l'affaire par téléphone. J'ai besoin de l'avoir en face de moi pour apprécier ses réactions et distiller le poison au fur et à mesure. Sergio, il faut que je te voie, c'est très important, j'ai des choses à te dire. Ça concerne ton affaire? Tiens, au fait, la bagnole cramée était volée, on l'a découvert grâce au numéro de série. Quant au gars, on ne sait toujours rien sur lui. Écoute Gino, si tu veux, je viens demain à midi. On mange ensemble chez ta brune et tu m'expliques. J'aurai du temps car j'ai pris mon après-midi. Ça te va? Impec, t'es un frère, Sergio. À demain. Je n'avais pas pensé au numéro de série. De toute façon, on trouvera le propriétaire mais pas l'identité du voleur. Un peu angoissé, je vais m'asseoir au bout de la terrasse, les jambes allongées sur une chaise pour essayer de faire le point, les yeux dans le vide. J'ai une espèce de poids sur l'estomac et des difficultés à respirer, comme au temps de l'affaire Guelmar. J'essaie d'analyser calmement les données. La police ne doit pas savoir grand-chose sur le mort de l'Alpha. Je ne pense pas que le gars ait eu le temps de voir beaucoup de gens dans le patelin, à part Gigi. À l'heure où le prétendu accident s'est produit, il est plausible pour la police que le gars était bourré et qu'il se soit planté en allant voir une poule, en allant prendre l'air. À cette heure-là, tous les établissements du coin sont fermés. avant qu'on puisse l'identifier. Il passera de l'eau sous le pont, et de ce côté-là, on devra pouvoir être tranquille pendant un petit bout de temps. À moins que le balèze à la chemise noire qui est venu cet après-midi mette gentiment les flics sur la piste. Dans ce cas, quelles preuves auront-ils? Et sur quoi se basent-ils pour me dire que je m'étais mis dans les embrouilles? Ils nous ont vus. Le cramé n'était peut-être pas tout seul, et un comparse l'attendait quelque part. Pourtant, Marcel et moi n'avons rien vu. Pourquoi ce soi-disant comparse n'a-t-il pas cherché à récupérer son copain dans le bar? Quand j'ai sorti l'Alpha, à 1 h du matin, je n'ai rien remarqué, et pourtant j'ai scruté l'obscurité comme un chat. Ou alors, en me reconnaissant et en sachant qui était dans l'Alpha et ce qu'il était venu faire, de ce pantalon blanc, a logiquement pensé que j'avais pu zigouiller le petit merde nerveux. Si ce type m'a reconnu, c'est sûrement qu'il a trempé dans des affaires dont je me suis occupé. Oui. Mais plus j'y pense et plus je crois que la petite frappe a dû agir de sa propre initiative, pour son compte personnel. Les autres, ne le voyant pas revenir, sont venus aux infos, et le mec qui me connaît a imaginé le reste. Logique. Il a blindé, comme au poker, pour m'impressionner. De toute façon, il est drôlement sûr de lui, puisque sans attendre ma réaction, il est parti tout de suite. Quoi qu'il en soit, comme je vais tout dire à Serge, enfin presque, il me tiendra au courant, il me préviendra si jamais il y avait le feu à la maison. Mais comment se sortir de là? Je sens tout à coup deux mains qui se glissent sous ma chemise et viennent me caresser les pectoraux. Il est soucieux, mon Gino, à cause de moi. Tu sais, je pense que le type de cet après-midi t'a lancé un bouchon pour te jauger. C'est leur méthode, l'intimidation. Je ne crois pas qu'il faille s'affoler pour ça. En revanche, c'est sûr qu'ils vont revenir, maintenant qu'ils croient nous tenir. Elle s'assoit à côté de moi et pose sa tête sur mes genoux pour que je lui caresse les cheveux, ce qu'elle apprécie. Je l'ai compris. La meilleure défense, dit-elle, c'est l'attaque. Pourquoi tout raconter à Serge? Tu n'as qu'à lui dire que des gars essaient de m'rançonner, que probablement l'un d'eux s'est fait refroidir par un rival et qu'ils veulent nous mettre l'affaire sur le dos pour nous faire cracher du pognon. Serge met des types en plan pour repérer les gars de la bande et... voilà, termine-t-elle dans un sourire. Et s'ils viennent foutre le feu à ta baraque en pleine nuit? Eh ben nous mourrons ensemble, c'est beau, non? Ce soir, tu dors ici. Je t'ai arrangé la pièce sur l'arrière et quand ma mère sera partie... Tu comprends? Continue-t-elle d'un ton hésitant. Ça me gêne vis-à-vis d'elle. Mais ce n'est pas plus mal comme ça. J'ai horreur des choses précipitées dans ce domaine. Il faut savoir attendre, Bello. C'est comme ça en Italie, non? Ces petits mots doux viennent me transformer mes angoisses en espoir fou de lendemain qui chante. À dire la vérité, je n'ai pas précisément envie de faire l'amour à Gilda comme une bête. En tout cas, pas maintenant. Non. Je veux, comme elle-même, que s'installe entre nous une tendresse complice, qui fera que l'acte d'amour sera un aboutissement, un couronnement, une apothéose, et non le point de départ de notre union. Apaisé, je laisse mon regard errer sur le port tout en lui caressant les cheveux. Elle a fermé les yeux et en serre mes genoux. La belle caille rentre au port et bientôt, j'observe le manège habituel des casiers. Il est 7 h du soir, heure dorée, et je m'aperçois que le Santa Cruz n'est toujours pas à quai. Bizarre. Est-ce qu'ils auraient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient ?